Je suis ce gosse sans repère, adopté par la rue à la recherche de mon père. Dans ce monde de fous, je me suis perdu. Je suis ce chef d'état, je crée des guerres et j'envoie mon peuple à l'abattoir. Applaudissez-moi, je sèche ma soif avec l'argent et ce qu'on appelle l'or noir. Il paraîtrait que c'est normal, personne ne me dit rien. J'ai fait mon bif sur un mensonge, mais aujourd'hui je vis très bien. Je suis les larmes d'une mère devant sa fille assassinée. Je suis l'arme d'un père devant le meurtrier acquitté. Je suis la rage devant le drame. La vengeance est un plat qui ne se déguste pas. Je suis ce que tu ne voudrais pas être, que tu ne voudrais pas voir. En fait, je suis ce que l'on ne veut pas croire. Tu veux pas voir? Ferme les yeux, car je suis ce que je suis. Je suis ce que je rêve d'être, ce que je rêve d'être. Simple reflet de mon espèce. Je me suis levé pour suivre mon chemin. Je suis né que pour être quelqu'un. Je suis ce que je rêve d'être, ce que je rêve d'être. Simple reflet de mon espèce. Je me suis levé pour suivre mon chemin. Je suis né que pour être quelqu'un. Je suis le rap et j'ai la haine à la vue de mes interprètes. Détourné de mon but réel, on m'utilise pour faire des recettes. Payé pour mettre des familles à la rue. Je suis ce qu'on appelle les huissiers. Après mon passage, combien d'hommes sont suicidés? Je suis la peine, je suis né le jour où le respect est dead. Je suis l'argent, je fais tourner la société. Mais je fais aussi tourner les têtes. Je suis un rayon de lumière dans cette obscurité. Je suis le brin intelligent dans toute cette absurdité. En gros, je suis le grain de riz qui va nourrir un bien frais. Et je suis pas ces sacs de riz jetés sur la mariée. Il me fallait un coupable, alors j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. J'ai volé la liberté, je suis une erreur judiciaire. En signant des armistices, on a signé mon arrêt de mort. Je suis la paix, j'ai cru en moi, mais je vois que j'ai eu je tort. Je suis ce que je rêve d'être, ce que je rêve d'être. Simple reflet de mon espèce. Je me suis levé pour suivre mon chemin. Je suis né que pour être quelqu'un. Je suis ce que je rêve d'être, ce que je rêve d'être. Simple reflet de mon espèce. Je me suis levé pour suivre mon chemin. Je suis né que pour être quelqu'un. Dans ce rap game, je suis la seule à être restée vraie. Je suis l'écriture mais plus personne ne me reconnaît. Je suis la peine frère, j'arrache des sourires à la peine. Je m'invite dans une vie, y'a pas besoin que l'on m'appelle. Je suis d'actualité, je t'ai viré ton entreprise. Je t'ai pris tout ton blé, tu me reconnais, je suis la crise. Mon quotidien est un enfer, ma vie est abattue. J'ai même peur d'entrer chez moi car je suis une femme battue. J'ai sautolonné autant de vies qui mériteraient d'être reconnues, qui mériteraient qu'on parle d'elles, qui mériteraient qu'on l'écrive. On est tout ce que l'on est, et personne nous le reconnaît.